yaourts saveur citron ont fait de moi leur pire cauchemar. Les yaourts aux noix de coco m'acclament tel un héros. Et les yaourts de nature me vénèrent bien sûr.